of time. Out of time. What are the crown when I do it, you would want? So it's a chill up on the free, you know? Say so, the ragga house a treat ya. Galaxy. Preaching. Yeah. We'll be right back. ça cartonne. Critical Fluids à l'instant sur Galaxy, sur la belle Hard Time Records. Vous venez de vivre littéralement la rétro de 1993. Ah là là, que de souvenirs, n'est-ce pas mon petit Nicolas? Grand moment. Ah oui, mais il y a pas mal de choses qu'on aurait bien voulu réentendre plus souvent. Mais bon, en tout cas, pour fin d'année, vous allez être servi au niveau des rétros. Bon, message secret. Message secret car Jérôme Bootleg est dans les couloirs de la radio. Ouais, il écoute là. Ah, il écoute. En plus, à la fin de son set, il s'est permis de mettre aussi de la rétro. Tiens donc. Comme par hasard, Mister Bliss Club. Bon, Nico avec nous ce soir, mais comme d'habitude, on entre jusque 23h en direct. Non, on va essayer de tenir le coup. Ah, mais ça va aller, petite rhinocéros. Bah, c'est la période où tout le monde est malade en ce moment. Donc, voilà. Alors, quelle nouveauté ce soir en deux, trois mots? J'en ai retenu deux cette semaine. Ouais. C'est la dernière du sortie du label Armada Music. C'est le dernier Nicolas Harding et Funabashi. Ça s'appelle Addictive. D'accord. Un peu électro-punch,